constate même vos opinions qui sont néfastes, nauséabondes. Un feu ne suffirait pas à éteindre un foyer qui ne compterait que des personnes toutes remontées les unes contre les uns. Vous allez me dire, je n'y comprends rien, il suffit de penser à l'un qui n'en voulait qu'une, à l'une qui en voulait deux. Et celle qui n'a jamais soif, celui qui en demande, qui n'en peut plus d'attendre, et jusqu'à quand? Et tout changea l'une après l'une jusqu'à en oublier là. Là et son chant cristal, devenu l'une remontée contre là. Alors un objet compromettant avec prétention ne fit qu'un circuit, et tout devient ce qui était avant, devenu tout. Et cet individu qui ne jure que par ses poings, juste pour lui en mettre une dans le cul, et voit à travers sa mère que ça une en prenne bien deux. C'est comme ça et comme ça, juste parce qu'elle sourit, qu'elle est plus heureuse que lui, du moins elle était. Et elle s'en met en est vulgaire au faux air de vrai. Et l'autre la regarde, elle le sent. Alors là est méprisant et méprisable du mélange des unes avec les autres. Là est l'une, l'une est la fait l'un pour l'une, fait l'une pour l'un. C'est ce que l'on cherche, là est l'une, là est l'une. Ce qui se trouve ne se quitte pas. Elle repart, elle revient, elle revient, elle repart. Et comme ça, et pour finir, ne plus revenir. Des besoins de ça, ça, ça, et après tout, je m'en fous, je me tire de là. Dis, on fait ce qu'on veut. Tu veux, après tout.